Twitter. Je pensais qu'ils avaient fait une mise à jour, mais... Alors, en fait, j'utilisais la synchro de VR Ninja. Jam Taba. Ah ouais, mais Jam Taba, c'est... J'aimerais bien y arriver à faire travailler Reaper en même temps, putain. Je sais ce que je vais faire. I know. En fait, il faut se mettre en solo. Faut enlever ça.